Section 36 de Le mari de Charlotte par Hector Malo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Deuxième partie, chapitre 5. Quand Emmanuel avait pour la première fois parlé à Charlotte d'abandonner les Charmeaux, celle-ci avait espéré pouvoir aller tout de suite en Bretagne au lieu de rester à Paris. Les raisons pour appuyer ce désir ne manquaient pas, toutes meilleures les unes que les autres. Elle avait quitté la crique depuis si longtemps qu'il était bien naturel qu'elle voulût revoir la maison de son père. Qu'étaient devenues ses plantes pendant ce long voyage? Comment avait-on soigné ces arbres qu'il aimait tant? D'un autre côté, il n'avait pas d'installation à Paris et la vie à l'hôtel n'est guère agréable. Mais Emmanuel ne s'était pas rendu à ces raisons qu'elle n'avait fait que d'indiquer. Car pendant qu'elle les lui expliquait, elle aurait vu qu'il la regardait avec ses yeux fixes, profonds, inquiets, qu'elle ne lui connaissait que depuis le retour d'Orient et elle n'avait pas insisté. Que lui eût-elle dit, d'ailleurs, pour légitimer sa répulsion contre Paris? Qu'elle craignait d'y rencontrer Georges? Mais c'était cela précisément qu'elle ne voulait pas dire. Et c'était cela aussi d'autre part que précisément son mari voulait lui faire avouer. La lutte eût pu être caractéristique si tous deux avaient eu le courage d'agir franchement. Mais comme ni l'un ni l'autre ne voulut déclarer ses vrais sentiments, il ne se produisit rien de décisif entre eux. Tous deux restèrent avec leurs idées personnelles, Charlotte se demandant pourquoi son mari tenait tant à aller à Paris, Emmanuel pourquoi sa femme tenait à n'y pas aller. Ils partirent donc pour Paris. Ils s'établiraient tout d'abord au grand hôtel, puis quand ils auraient trouvé un appartement à leur convenance, ils iraient passer quelque temps en Bretagne pendant qu'on aménagerait cet appartement. Si peu désireuse que fût Charlotte d'habiter Paris, elle savait qu'elle serait obligée de s'y résigner un jour ou l'autre. Ce qu'elle eût voulu s'eût été retardé ce jour, car d'empêcher son mari de venir se fixer définitivement à Paris, elle n'en avait même pas la pensée. Après avoir donné ses années de jeunesse au voyage, Emmanuel commençait à vouloir le repos. Le besoin de mouvement et de changement qu'il avait tant tourmenté autrefois n'existait plus pour lui, au même degré. Il comprenait maintenant un bonheur tranquille. Sans doute, il ne parlait pas de renoncer entièrement au voyage, mais il ne les admettait plus que pendant quelques mois de l'année. On passerait l'été sur la crique ou en Bretagne, l'automne en Bourgogne pour chasser, l'hiver et le printemps à Paris. Ne courant plus la terre et les mers, il n'était pas homme à vivre dans le désœuvrement, n'ayant pour tout souci que d'administrer soigneusement sa fortune ou de la dépenser joyeusement. Il y avait en lui mieux qu'un propriétaire campagnard. Il avait quelques relations dans le monde de la science et de l'intelligence, et ce n'était ni au Charmeau, ni au fin fond du Morvan, ni sur les côtes de Bretagne, qu'il pouvait entretenir ses relations. Parce que Charlotte avait peur de se rencontrer avec Georges Saffarel, ce n'était pas une raison suffisante pour retenir quand même son mari loin de Paris. Elle n'avait déjà que trop de tort envers ce mari si bon et si tendre, sans se charger encore de celui-là. Si elle ne pouvait effacer le passé, elle voulait au moins ne pas mériter dans l'avenir le plus léger reproche. Tout ce qu'elle pourrait faire pour lui, elle le ferait avec bonheur. Comment se fût-elle sérieusement refusée à venir à Paris, alors qu'une des principales raisons qui y attirait Emmanuel était précisément une raison de tendresse et d'amour? Combien de fois ne lui avait-il pas dit que s'il tenait tant à habiter Paris, c'était parce qu'il était fier de la beauté de sa chère petite femme? « Je veux te voir dans ton salon, disait-il, tes triomphes seront une joie nouvelle pour moi. » Les premières journées de leur installation à Paris furent employées à chercher l'appartement qu'ils devaient habiter. Emmanuel se mettait en route dans la matinée, puis, vers 3 heures, il venait prendre sa femme pour qu'elle l'accompagnât et lui donnât son goût. Ils s'arrêtèrent à un petit hôtel de la rue de Boulogne, et ce choix fait, ils s'occupèrent de l'ameublement. Ce furent alors des visites chez les tapissiers, chez les miroitiers, chez les carrossiers, chez les fabricants de meubles, dans les magasins d'étoffes. Jamais Charlotte n'avait vu son mari si heureux. « Je ne me doutais guère que la fortune pouvait donner tant de joie, disait-il souvent, et je serais tout à fait heureux si tu voulais bien me demander quelque chose. Mais il paraît que c'est impossible. Madame daigne accepter, elle ne veut pas demander. « Je ne veux pas parce que je ne peux pas. Laisse-moi quelque chose à désirer, je te le dirai. » Il ferait beau voir que ma petite femme eut un désir que je n'eusse pas prévu. « Alors, que veux-tu que je fasse ? Je veux que tu me souris. Je veux que tes yeux brillent. Je veux voir tes lèvres s'ouvrir. Je veux que tu me dises que tu es heureuse en pensant que tout mon bonheur est en toi. » Tout d'abord, Charlotte n'était sortie dans Paris qu'avec crainte. Il lui semblait qu'à un moment donné, elle devait se trouver face à face avec Georges. Que dirait-elle ? Que ferait-elle ? L'idée seule que cette rencontre était possible lui donnait des défaillances. Après 4 années, elle en était encore au jour où elle avait vu la lettre de Georges qui lui annonçait son départ. Le coup qui l'avait alors frappée avait été si violent qu'elle sentait toujours sensible et douloureuse la blessure qu'il lui avait faite. Assurément, pendant ces 4 années, elle n'avait pas toujours pensé à Georges. Mais chaque fois qu'elle était revenue à lui, et cela était arrivé bien souvent, elle avait eu la preuve que cette blessure ne se fermerait jamais. Elle pouvait lui laisser des moments de calme, mais il suffisait d'un rien, un nom prononcé, un anniversaire, un souvenir, pour la faire saigner. Qu'arriverait-il le jour où ils se trouveraient en présence l'un de l'autre ? Comment supporterait-elle ce choc ? Peu à peu, cependant, voyant que ses craintes ne se réalisaient pas, elle s'était jusqu'à un certain point rassurée. Il n'était guère probable qu'elle trouvât Georges chez les marchands de meubles. Il est vrai qu'elle n'allait pas que chez les marchands de meubles. Au théâtre, dans la rue, elle pouvait rencontrer ce danger que le hasard lui avait jusqu'alors évité. Au théâtre, elle se tenait au fond de la loge. Dans la rue, elle se disait que Paris est bien grand et qu'on se mêle dans la foule. Elle commençait à perdre ses appréhensions des premiers jours lorsqu'un soir, Emmanuel, qui était l'exactitude même, se trouva en retard pour venir la chercher à l'heure du dîner. Ils habitaient un appartement dont les fenêtres ouvraient sur le boulevard. Elle n'allait jamais sur le balcon, d'où elle aurait pu voir tout Paris défiler devant elle, mais où trop de monde aussi aurait pu la voir. Poussée par l'inquiétude que ce retard lui donnait, elle alla s'accouder sur ce balcon pour apercevoir plus tôt son mari. Enfin, à 7h30, elle le vit venir, marchant à grands pas. « Je te demande pardon de t'avoir fait attendre si longtemps, » dit-il, « mais j'ai été retenue sans pouvoir m'échapper. Tu ne devines pas par qui ?» Elle le regarda, surprise de l'accueil qu'il avait mis dans ces quelques mots, en apparence si simples. Comme elle ne répondait pas, il continua, « Georges !» Elle pâlit, comme si elle allait éprouver une syncope, mais elle ne dit rien. « Tu ne me demandes pas comment il se porte ?» Après un moment de silence, elle répondit, « La dernière fois que nous avons parlé de Georges, je t'ai dit qu'il était mort pour moi. Je n'ai pas changé depuis cette époque. Je n'ai pas besoin de savoir s'il se porte bien ou s'il se porte mal. Je désire qu'on ne me parle pas de lui. Voilà tout. »« Lui m'a beaucoup parlé de toi. J'espère au moins que tu ne lui as pas répondu. » »« Je lui ai dit tout juste ce que les convenances m'obligeaient à dire. Et encore n'ai-je pas poussé ce respect des convenances bien loin. » Retrouvant Georges après une absence de 4 années, je devais, eu égard à mes anciennes relations et aussi aux liens de parenté qui vous unissent, l'inviter à venir nous voir. Tu as fait cela ? Non, car je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit. Je m'en suis tenue avec Georges à la réserve et à la froideur, et je dois avouer que cela m'a coûté beaucoup. L'amitié que j'ai eue pour Georges, que j'ai toujours, protestait contre cette froideur, et elle le faisait d'autant plus fortement que Georges est malheureux. Ah ! Ce « ah » s'échappa des lèvres de Charlotte comme un cri de douleur, mais elle s'arrêta, et sous le regard interrogateur de son mari, elle resta impassible. « Quand je dis que Georges est malheureux, » continua Emmanuel après un moment de silence, « il faut s'entendre. Il a en ce moment à se défendre contre des accusations qui l'affligent beaucoup, mais sa position est magnifique. Tout le monde dans la chambre rend justice à son talent. » « Alors c'est contre son caractère que ces accusations s'élèvent. On reproche à son attitude de manquer de franchise, et ses ennemis l'accusent de sacrifier ses principes à son ambition. Ses ennemis ? C'était aussi l'accusation de mon père, qui n'était pas son ennemi. Je ne veux pas contredire l'opinion de monsieur de la Hérodière. Je veux seulement faire remarquer que les partis politiques sont injustes. Georges est un homme pratique pour lequel les formes de gouvernement ne sont pas des articles de foi. Il ne demande pas un changement radical. S'il peut améliorer le système de gouvernement que nous avons et l'incliner vers ses idées, il se tient pour satisfait. De là, les accusations qu'on formule contre lui. car la passion politique n'admet pas les ménagements. On veut que l'homme politique soit d'un seul morceau. Je n'entends rien à la politique, et je ne me permettrai pas de discuter ces choses avec toi. Seulement, il me semble que ce n'est pas ainsi qu'il faut raisonner dans le cas présent. Pour moi, toute la question se résume en un mot. L'homme qu'on accuse se conforme-t-il dans la vie politique aux engagements qu'il a pris envers les électeurs, ou bien ne s'y conformera-t-il pas? S'il s'y conforme, c'est bien, il est au-dessus de ses accusations. Au contraire, s'il ne s'y conforme pas, c'est mal, et il n'a qu'à donner sa démission puisqu'il ne représente plus ceux qui l'ont nommé. Je ne te savais pas des opinions politiques. Elles sont, tu le vois bien, primitives. Elles tiennent dans un mot, la fidélité à ses engagements. Ceux qui gardent cette fidélité sont d'honnêtes gens. Ceux qui ne la gardent point n'en sont pas. Mais assez là-dessus, allons dîner. Elle avait débité ce jugement avec animation, presque avec colère. Mais telle est la nature de la jalousie que Narbanton eût volontiers désiré en elle moins de passion. Loin de rassurer ses inquiétudes, cette sévérité ne faisait que les espérer. La foi, la fidélité à sa parole, pour elle, tout était là, dans la vie. Fin de la section 36.